Conte du soleil et de la brume d'Anatole le Braz. Première édition de la Grave, 1905. Table des matières. Paysage de légende. Une cime sacrée. Sainte Tryphine. Terre funèbre. Au vent des îles. Yann He Grok. Nuit d'apparition. Ceux de la Gorgone. L'hôte du charbonnier. L'aventure du pilote. Équipée de printemps. La foire grasse. Les Pâques de Loul Vraz. Conte du soleil et de la brume. À Reine Anne, Marguerite et Robert le Braz. Paysage de légende. Une cime sacrée. 1. Avec sa haute croupe solitaire, dressée à plusieurs kilomètres en avant de la chaîne d'arrêt, au-dessus de la plaine trégoroise, le Ménez-Bray produit l'effet d'une montagne, pour ainsi dire, en rupture de banc. Aucun lien géologique apparent ne le rattache aux cimes de l'intérieur. Il a même l'air de leur tourner le dos, de s'en tenir éloigné, à dessein, comme s'il était d'une autre espèce et qu'il se fût séparé d'elle, dès les vieux âges, poussé, qui sait, par quelque secret instinct d'aventure, ou peut-être attiré par la mystérieuse fascination de la mer. À cheval sur les deux paroisses de Louargat et de Pédernec, note, dans l'arrondissement de Guingamp, fin de note. Il domine des lieux immenses de pays, l'horizon, je pense, le plus étendu qui soit en Bretagne. La longue houle des monts Cornouaillais, avec ses rebroussis de schiste, pareils à une écume pétrifiée, barre derrière lui les profondeurs du sud. Mais rien n'intercepte la vue du côté du septentrion. L'œil plane sans obstacle sur les terres mouvementées du Trégor, du Penthièvre et du Goëlo. Zone heureuse entre toutes, justement saluée du nom de ceinture d'or. Elle ondoie comme une écharpe de féerie tissée des plus riches nuances. Au printemps surtout, le spectacle est unique. La broderie des ajoncs et des genêts fait courir ses arabesques éclatantes parmi la moire verte des jeunes blés. Dans le creux des vallées, sous le voile léger des frondaisons nouvelles, les quatre rivières sœurs, note, ce sont le Gendy, le Guindry, le Trieux et le Guer, fin de note. Allument de ci de là de frémissantes clartés qui brillent à travers les replis changeants du paysage ainsi que les reflets épars d'une gigantesque agrafe d'argent. La mer, enfin, déroule au dernier plan sa large bande d'azur vif dont on dirait du ciel condensé. C'est un décor à la fois très harmonieux et très ample, mais qui plaît à l'âme et qui la touche plus encore qu'il ne la saisit. On a écrit de cette région qu'elle était l'Attique bretonne. Son charme est d'essence sobre et fine. C'est une terre spiritualisée. Le Ménez la contemple, comme en extase, avec une sorte de satisfaction attendrie. Il veille sur elle, il la couve, tel qu'un berger son troupeau. Et, sous sa bure de gazon jaunissant, élimé par places, il semble en effet un monstrueux pâtre millénaire, gardant les collines moutonneuses qui s'acheminent côte à côte vers la mer en un pêle-mêle bariolé de toisons. La sollicitude qu'il paraît montrer à la plaine en retour la lui rend en vénération. Elle le révère comme un patriarche, comme un aïeul. C'est l'ancêtre de la contrée, Tadcoz Ar Vro, me disait de lui à Taupier de Bégard. Il en est aussi le génie familier. On a plaisir à le sentir là-haut, toujours visible, toujours présent. Il n'est pas assez élevé pour que les nuages le dérobent. Il l'est suffisamment pour que de tous les points du littoral trégorois on l'aperçoive. Et il n'a pas une silhouette seulement. Il a un visage, une physionomie mobile, animée, vivante, et même un langage symbolique accessible aux intelligences les plus humbles. Il connaît du temps. Me disait encore à son sujet Jérôme Guénézan, le taupier. C'est un voyant, je vous assure, et un avertisseur. S'il fait mine de froncer les sourcils et de rentrer les épaules, c'est signe qu'il se prépare du noir dans l'atmosphère et qu'il est urgent de mettre les foins en meule ou de tirer les barques sur le rivage. Qu'il se hausse au contraire en se reculant et nage suspendu sur l'horizon comme pour mieux embrasser du regard le panorama qu'il commande, alors bonasse certaine en mer et clair soleil sur les champs. La montagne a, comme on dit, exorcisé l'espace, car il n'est pas sans posséder une sorte de don magique, le vieux Ménez. Il a des vertus occultes et bienfaisantes. Quelque divinité tutélaire dut habiter ses flancs, au temps où le naturalisme si gracieux des primitives théogonies celtiques fleurissait ici dans toute sa fraîcheur. Plus tard, en tout cas, les Bretons du VIe siècle n'hésitèrent pas à lui confier l'ombre de leur fameux Gwenc'hlan, dont le souvenir et les chants les avaient accompagnés dans leur exode. Bardes et prophètes comme Merlin, Gwenc'hlan, dont le nom veut dire « l'homme de race sainte », passait pour avoir été un de ses plus brillants continuateurs. On sait la plainte amère et sauvage que lui a prêtée dans le Barzaz Breiz, le vicomte de la ville marquée. « Quand le soleil se couche, quand la mer s'enfle, je chante sur le seuil de ma porte. Quand j'étais jeune, je chantais. Devenu vieux, je chante encore. Je chante la nuit, je chante le jour, et je suis chagrin, cependant. » Dans toute l'ancienne Domnonée, note, on désignait ainsi le versant nord de la péninsule, sur la Manche. Fin de note. Ces prédictions étaient célèbres. Elles furent même rédigées par écrit, et l'on en conservait, paraît-il, un recueil, il y a quelque 200 ans, chez les moines de Landévennec. Aujourd'hui, ce n'est guère que dans la mémoire du peuple que l'on peut retrouver un écho fort affaibli de ces paroles sibyllines, de ces « Diouganou ». Marguerite Philippe, la reine du folklore breton, vous en pourra citer des spécimens étranges. D'elle encore, vous apprendrez la véridique histoire de Gwenc'hlan, telle qu'elle se raconte aux fileries d'hiver sous les chaumes. Il habitait, à l'entendre, le manoir de Renard Goff, sur le versant occidental de la montagne. Son physique, même, n'était pas celui du commun des hommes. Il avait la tête mobile sur les épaules, et pour voir derrière lui, n'avait pas besoin de tourner le corps. Ainsi, rien ne lui échappait. Il avait les yeux partout à la fois. Il était comme le Ménez, qui, sans bouger, regarde les quatre coins du ciel. Au moral, pareillement, il possédait l'omniscience. Les autres mortels ne connaissent les événements que lorsqu'ils se sont produits. Lui les voyait se mettre en marche. D'humeur taciturne, il se plaisait peu à la conversation des humains, mais il avait avec les animaux de longs colloques. Les corbeaux, avant de regagner leur gîte des bois, venaient le soir lui faire leur rapport. Les oiseaux de passage s'arrêtaient sur le rebord de sa croisée pour lui rendre compte de ce qu'ils avaient observé d'insolite sur leur parcours. Une année, il fut informé par eux qu'une horde innombrable de soudards saxons s'apprêtait à faire irruption sur nos côtes. Alors, dédaignant de répondre à ces gens qui le pressaient de questions, il revêtit son harnois de guerre, ceignit sa lourde épée qui, d'ordinaire, reposait étendue sous son traversin, et, toujours silencieux, le visage plus impénétrable encore que de coutume, se dirigea seul sur la montagne. Parvenu au sommet, il commença de brandir en l'air tout autour de sa tête sa flamberge, ahanant et se démenant avec une ardeur farouche, comme s'il eût eu affaire à des milliers d'assaillants invisibles. De l'aube au couchant, il ferrailla de la sorte au grand soleil. Les coups se multipliaient si brusques et si rapides que, d'en bas, on eût dit un perpétuel jaillissement d'éclairs. Sur le soir seulement, il cessa de batailler, puisa de l'eau de pluie dans le creux d'une roche, et lava sa sueur. « Comprenez-vous maintenant ? » demanda-t-il de retour dans la plaine aux personnes que sa bizarre conduite avait intriguées. Il montrait du geste le ciel, la mer lointaine, où ruisselaient des pourpres sombres. Les nuages avaient l'air de traîner leurs franges dans du sang, et le vent de Manche charriait des odeurs fades et lourdes, les mêmes qui, après les grands fauchages d'hommes, s'exhalent des chants de massacre. Gwenc'hlan avait exterminé jusqu'au dernier les futurs envahisseurs. Quand approcha pour lui l'heure fatidique, un aigle de mer la lui vint annoncer. Il arracha une plume à l'aile de l'oiseau, et, avec cette plume, il écrivit son testament. « Je vais disparaître, disait-il, qu'on ne cherche point ma tombe. Il ne sera au pouvoir de qui que ce soit de la découvrir. Je veux dormir en paix dans une sépulture inconnue. Qu'on ne cherche pas davantage mes livres et les secrets qu'ils contiennent. Je les emporte avec moi pour me servir d'oreiller. Quant à mes richesses, qui sont immenses, je les eusse volontiers léguées à mes concitoyens. Mais je leur donnerai là un présent funeste. Que les Bretons gardent leur pauvreté. Elle est la source des meilleures joies. » Cela fait, il plia le papier en quatre et le jeta au vent. Puis, à la nuit close, il se mit en route vers le Ménez. Derrière lui venaient les 12 chariots de Renard Goff, chargés de tonnes d'or, d'argent et d'escarboucles. Il avait eu soin, au préalable, de bander les yeux des conducteurs, en sorte que ceux-ci voyagèrent à l'aveuglette, réglant leur marche sur celle des chevaux. Ils racontèrent le lendemain qu'ils avaient dû accomplir un très long trajet. Le vrai, c'est que Gwenc'hlan, pour les mieux dépister, leur avait fait faire plusieurs fois le tour de la montagne. Brusquement, les attelages s'étaient arrêtés. De même aussi, les chariots s'étaient vidés. Les tonnes pesantes avaient chu, sans bruit, comme englouties dans un puits sans fond. Après quoi, l'on avait entendu s'élever une espèce de psalmodie vague, suivie d'un grand soupir. Et c'était tout ce que l'on avait su de la fin de Gwenc'hlan. J'ai rapporté fidèlement le récit de Marguerite Philippe, plus connue sous son sobriquet de Godicar Vanzès, la Manchotte. Et depuis, lui demandai-je, ces trésors enfouis par le prophète au flanc du mont, ne s'est-il trouvé personne ? Elle ne me laissa point achever. C'est là une question, voyez-vous, à laquelle je ne réponds jamais. Je n'ai nulle envie d'être cité en justice pour une parole de trop, comme cela est arrivé jadis à la femme Burlu de Pédernec. Ses réticences même prouvaient qu'il y avait un épilogue à la légende. J'essayais de la pousser, de lui faire dire au moins quels avaient été les propos compromettants tenus par la femme Burlu de Pédernec. Mais sur ce chapitre, elle, si expansive, si loquace, elle demeura obstinément fermée. « Tout ce que je puis ajouter, conclut-elle, c'est que le Ménez Bray passe à bon droit pour être la tombe de Gwenc'hlan. Aucune autre n'eût été digne de couvrir la dépouille du grand sorcier. Vivant, il aimait à y promener ses contemplations. Mort, il y repose. Tous les 100 ans, dit-on, la nuit de la première lune, la montagne s'ouvre au moment précis où le disque argenté de l'astre effleure le bord de l'horizon. Si quelqu'un, saisissant cette minute, se risquait dans la fente, une lumière magique se lèverait devant lui pour le guider jusqu'à Gwenc'hlan, et il verrait le prince des sages couché là, ses livres sous sa tête, une branche d'ajon dans sa main gauche et sa claire épée à son côté. Peut-être même l'entendrait-il parler comme en songe. L'esprit de Gwenc'hlan remplit les entrailles de la montagne comme la vertu de Saint-Hervé en parfume le sommet.